Nord FM. Il est 15h. Bienvenue et bonnes vacances dans le nord de la Martinique, trempage géant à la Trinité. Dimanche 6 juillet de 10h à 13h au marché couvert de la Trinité. Viens savourer un trempage chaud et délicieux dans une ambiance festive avec danse et musique octaï. En famille ou entre amis, ne ratez pas ce moment gourmand, joyeux et 100% local. Pour tout renseignement, appelez le 06 96 25 36 81. Au Robert, l'Aviron Club organise le Critérium longue distance 22,5 km le samedi 5 juillet à 14h dans la baie. Venez participer et soutenir les compétiteurs pour une journée de sport et de convivialité. Info et inscription, Aviron Club du Robert au 06 96 30 82 52. Le marché de Casse-Pilote, c'est tous les vendredis de 6h à 19h. Retrouvez vos producteurs et commerçants locaux sous le marché couvert Jean-Baptiste Armé, place Gaston-Monerville, en plein cœur du bourg. Fruits, légumes frais, viande locale, produits laitiers et bien plus. Un rendez-vous authentique, chaleureux et 100% local. Info au 05 96 78 81 44. Au Lorrain, ce samedi 5 juillet, l'inauguration du gymnase au quartier Sous-Bois à partir de 10h. Un gymnase tout neuf, une ambiance de folie et du sport pour tous au Lorrain. Ce samedi 5 juillet, viens vibrer avec nous. Badminton, karaté, handball, futsal, musique et énergie toute la journée. Le 17 juillet, à partir de 19h, un tournoi de foot et de handball est au programme. Le mercredi 9, le départ du tour cycliste est en face de la mairie à partir de 10h. Et pour finir, un masterclass de danse à la Maison de la Culture et sur la place de Joël Pamphile. Pas rater ça, mon maille. Dimanche 6 juillet, direction le Marigot pour la course de côte. Des pilotes survoltés, des moteurs en furie et du gros spectacle avec la ZAM. Accroche-toi, ça va chauffer. Et surtout, n'oubliez pas l'exposition de l'écriture au hall de l'espace culturel Eugène Monnat et la peinture à l'accueil de la mairie qui continue jusqu'au 30 juillet. C'est bien pour tes pays vivre. Fais ça qui caplait vous et puis laissez la vie rouler. Fais ça qui caplait vous, pas déranger personne. Toujours fais ça qui caplait vous et puis mener la vie. Si c'est vrai, où j'apprends ça qui n'y a chaleur et quoi, soleil j'ai qu'à chauffer, et t'es un affaire à où ça s'arrête à l'exilé. Yes, and all the rules.